De son air inflexible et doux, le vieux nous avertit que nous avions le devoir de sauver pour les assureurs tout ce que l'on pourrait emporter du matériel du navire. Nous nous mîmes donc à la besogne à l'arrière, tandis qu'à l'avant le navire flambait pour mieux éclairer notre ouvrage. Nous tirâmes dehors un tas de saletés. Que n'avons-nous pas sauvé? Un vieux baromètre fixé par un nombre incroyable de vis faillit me coûter la vie. Je fus enveloppé d'un brusque jet de fumée et j'eus à peine le temps de me garer. Il y avait des réserves de toutes sortes, des pièces de toile à voile, des glaines de filin. La dunette ressemblait à un magasin de fournitures pour la marine, et les embarcations étaient bondées jusqu'au plat-bord. C'était à croire que le vieux tenait à emporter tout ce qu'il pouvait de son premier commandement. Il était très, très calme, mais avait évidemment un peu perdu la tête. Imaginez-vous qu'il voulait embarquer avec lui dans le grand canot une glaine de vieux grelin et une ancre à jet. On lui disait « Oui, oui, capitaine », avec déférence, et tout doucement on laissait glisser tout cela par-dessus bord. Le pesant coffre à médicaments prit le même chemin avec deux sacs de café vert, des caisses de peinture. Imaginez-vous de la peinture, un tas d'objets. Alors je reçus l'ordre de descendre dans les canots avec deux hommes pour arrimer le tout et tenir les embarcations prêtes pour le moment où nous aurions à quitter le navire. On mit tout en ordre. On mata le grand canot pour notre capitaine qui devait en prendre le commandement, et je ne fus pas fâché de m'asseoir un moment. Il me semblait avoir le visage à vif. Tous les membres me faisaient mal, comme s'ils avaient été rompus. Je sentais toutes mes côtes, et j'aurais juré que j'avais la colonne vertébrale tordue. Les embarcations amarrées derrière restaient dans une ombre profonde, et je pouvais voir, tout autour, le cercle de la mer qu'éclairait l'incendie. Une flamme gigantesque montait à l'avant, droite et claire. Elle avait un violent éclat, et il en sortait des bruits semblables à des battements d'ailes. D'autres fois, un roulement pareil à celui du tonnerre. On entendait des craquements, des détonations, et du cône de flamme, des étincelles jaillissaient, ainsi que naît l'homme pour les misères, pour les navires qui font eau et les navires qui brûlent. Ce qui me préoccupait, c'était que le navire, étant à la bande en travers à la houle, et au peu de vent qu'il y avait, un souffle à peine, les canots ne voulaient pas rester à l'arrière où ils étaient en sûreté, mais s'obstinaient, avec cet entêtement stupide propre aux embarcations, à se fourrer sous la voûte arrière et à se coller le long du bord. Ils tossaient dangereusement et se rapprochaient de la flamme, tandis que le navire roulait au-dessus, et, bien entendu, il y avait toujours le risque de voir les mâts passer par-dessus bord à tout instant. Moi et mes deux canotiers, nous débordions de notre mieux avec des avirons et des gaffes. Mais cela devenait exaspérant, d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison de ne pas pousser tout de suite. Nous ne pouvions voir ceux qui étaient à bord, ni imaginer ce qui les retenait. Les canotiers juraient à mi-voix. Et non seulement j'avais ma part de l'ouvrage, mais j'avais encore à y maintenir mes deux gaillards, qui avaient constamment tendance à se laisser aller et à tout lâcher. À la fin, je me mis à héler. « Dites donc là-haut !» Et quelqu'un vint regarder par-dessus bord. « Nous sommes parés !» lui dis-je. La tête disparut et se montra de nouveau. Le capitaine dit que ça va, et de bien déborder les embarcations. Une demi-heure en passa. J'entendis tout à coup un fracas épouvantable. Ferraillement, bruit de chaînes qui s'entrechoquent, sifflement d'eau et des milliers d'étincelles s'envolèrent parmi la colonne de fumée frémissante qui, légèrement inclinée, se dressait au-dessus du navire. Les bossoirs avaient été carbonisés et les deux ancres chauffées au rouge étaient parties par le fond, arrachant et entraînant avec elles 200 brasses de chaînes ardentes. Le navire trembla, la masse de flammes vacilla comme si elle allait s'affaisser, et le mât de petits perroquets s'affala. Comme une flèche de feu, il tomba, plongea, puis, rebondissant à une longueur d'aviron des canots, se mit à flotter paisiblement, tout noir sur la mer lumineuse. Du nouveau, je hélai les gens du pont. Au bout d'un moment, un homme d'un ton enjoué, fort inattendu, mais étouffé, comme s'il s'efforçait de parler la bouche fermée, vint me dire qu'on allait embarquer et disparut. Longtemps, je n'entendis plus rien que le bruissement et le grondement du feu. On entendait aussi des sifflements. Les embarcations dansaient, forçaient sur leurs bosses, se jetaient l'une sur l'autre comme par jeu, s'entrechoquaient, ou bien, malgré nos efforts, elles venaient en évitant se coller en paquet contre le flanc du navire. Je finis par ne plus pouvoir le supporter, et me hissant par un filin, je grimpai à bord par l'arrière. Il faisait clair comme en plein jour. En arrivant ainsi, le rideau de feu en face de moi était un spectacle terrifiant, et la chaleur au premier abord semblait à peine supportable. Sur un coussin de banquette qu'on avait monté du carré, le capitaine Bird, les jambes repliées, un bras sous la tête, dormait tandis que la lumière jouait sur lui. Et savez-vous à quoi s'occupaient les autres? Assis sur le pont, tous à l'arrière autour d'une caisse ouverte, ils mangeaient du pain et du fromage et buvaient de la bière. Contre ce fond de flammes qui se tordait au-dessus de leur tête, comme des langues féroces, ils avaient l'air d'être dans leur élément comme des salamandres et faisaient l'effet d'une bande de farouches pirates. Le feu étincelait dans le blanc de leurs yeux, luisait sur la peau blanche que laissaient voir les trous de leurs chemises déchirées. Chacun montrait comme les traces d'une bataille, tête entourée de bandages, bras en écharpe, chiffon sale entouré autour d'un genou, et chaque homme avait une bouteille entre les jambes et un morceau de fromage à la main. Mahon se leva, avec sa belle figure douteuse, son profil romain, sa longue barbe blanche et dans la main une bouteille ouverte, on eût dit d'un de ces audacieux forbans de jadis, en train de festoyer au milieu de la violence et du désastre. « Notre dernier repas à bord, » expliqua-t-il avec solennité. « Nous n'avons rien mangé depuis ce matin, et ça ne servirait à rien de laisser tout cela ici. » Il se mit à brandir la bouteille, et me montra du geste le capitaine endormi. Il a dit qu'il ne pouvait rien avaler. Aussi, je l'ai fait s'étendre, continua-t-il. Et comme j'ouvrais de grands yeux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, jeune homme, que cet homme-là n'a pour ainsi dire pas dormi depuis des jours, et dans les embarcations on aura fichtrement peu de sommeil. Si vous vous amusez encore longtemps de cette façon, il n'y en aura bientôt plus d'embarcation, fis-je indigné. J'allai jusqu'au capitaine et me mis à le secouer par l'épaule. À la fin, il ouvrit les yeux, mais ne bougea pas. « Il est temps de quitter le navire, capitaine, lui dis-je tranquillement. » Il se leva péniblement, regarda les flammes, la mer étincelante autour de son navire, et plus loin, noir, noir comme de l'encre, il regarda les étoiles qui brillaient d'un éclat atténué à travers un mince nuage de fumée dans un ciel noir, noir comme les rêbes. « Les plus jeunes d'abord, dit-il. » Et le simple matelot, s'essuyant la bouche du revers de la main, se leva, enjamba le couronnement et disparut. Les autres suivirent. L'un d'eux, au moment de quitter le bord, s'arrêta court pour achever sa bouteille, et l'ayant vidée, la jeta d'un grand geste dans le feu. « Attrape ça !» cria-t-il. Le capitaine s'attardait, navré, et nous le laissâmes un moment tout à sa communion solitaire avec son premier commandement. Puis je remontai et finis par l'emmener. Il était temps. Les ferrures du couronnement étaient chaudes au toucher. Alors on coupa la bosse du grand canot et les trois embarcations amarrées ensemble s'écartèrent du navire. 16 heures exactement s'étaient écoulées depuis l'explosion, quand nous l'abandonnâmes. Mahon avait la charge du second canot et moi du plus petit, celui de 14 pieds. Le grand canot aurait pu nous prendre tous, mais le patron avait déclaré qu'il fallait sauver autant de matériel qu'on le pouvait pour les assureurs. Et c'est ainsi que j'obtins mon premier commandement. J'avais 2 hommes avec moi, un sac de biscuits, quelques boîtes de viande de conserve et un baril d'eau douce. J'avais ordre de rester près du grand canot pour qu'en cas de mauvais temps, il pût nous prendre à bord. Et savez-vous ce que je pensais? Je pensais que je lui fausserais compagnie, aussitôt que possible. Je voulais jouir tout seul de mon premier commandement. Je n'allais pas faire de la navigation d'escadre si l'occasion s'offrait d'une croisière indépendante. Je ferai mon atterrissage tout seul, je battrai les autres canots. Jeunesse, jeunesse que tout cela, la sotte, la charmante, et la belle jeunesse. Mais nous ne nous mîmes pas en route tout de suite. Il fallait rester avec le navire jusqu'au bout. Et cette nuit-là, les embarcations flottèrent à la dérive, montant et descendant sur la houle. Les hommes sommeillaient, se réveillaient, soupiraient, geignaient. Moi, je regardais brûler le navire. Au milieu des ténèbres de la terre et du ciel, il brûlait avec rage sur un disque de mer pourpre que frappait le jeu des reflets sanglants, sur un disque d'eau scintillante et sinistre. Une flamme haute et claire, une flamme immense et solitaire, montait de l'océan, et de son sommet, la fumée noire s'épanchait continuellement vers le ciel. Le navire brûlait avec fureur, lugubre et imposant comme un bûcher funèbre, allumé dans la nuit, entouré par la mer, sous le regard des étoiles. Une mort magnifique était accordée comme une grâce, comme un don, comme une récompense à ce vieux navire au terme d'une vie de labeur. Voir ce fantôme épuisé se remettre ainsi à la garde des astres et de la mer était aussi émouvant que le spectacle d'un glorieux triomphe. Les masts s'affalèrent juste à l'aube. Un moment, une explosion, un tourbillon d'étincelles parut emplir de feu ailé la nuit patiente et attentive, la vaste nuit silencieuse étendue sur la mer. Le navire n'était plus à la pointe du jour qu'une coque carbonisée qui flottait immobile sous un nuage de fumée et qui portait dans ses flancs une masse incandescente de charbon. Alors, on arma les avirons et les canots en ligne de fil tournèrent autour de ces ruines en procession, le grand canot en tête. Comme nous passions sur l'arrière, une mince flèche de feu darda vers nous son trait, et tout à coup le navire coula, l'avant le premier, dans un grand sifflement de vapeur. L'arrière que le feu n'avait pas encore atteint fut le dernier à couler, mais la peinture en était partie, était craquelée, pelée, et il n'y avait plus de lettres, il n'y avait plus de mots, plus de devises résolues, pareille à l'âme du navire, pour lancer dans un éclair au soleil qui se levait sa foi et son nom. Prîmes le cap au nord. La brise se leva soudain, et vers midi, toutes les embarcations se rallièrent pour la dernière fois. Je n'avais dans la mienne ni malle ni voile, mais je fis un mât avec un aviron de rechange et je hissai comme une voile une tente avec une gaffe en guise de vergue. Le canot était assurément trop lourdement matté, mais j'avais la satisfaction de savoir qu'avec vent arrière, j'étais capable de battre les deux autres. Il me fallut les attendre. Puis tout le monde jeta un coup d'œil sur le routier du capitaine, et après un cordial repas de biscuits et d'eau, nous reçûmes nos dernières instructions. Elles étaient simples: faire route au nord et garder le contact autant que possible. Prenez garde avec ce gréement de fortune, Marlot, me dit le capitaine. Et comme je dépassais fièrement son cadeau, Mahon me cria en fronçant son nez recourbé: Vous naviguerez si bien que vous colorez votre barque par le fond, mon garçon, si vous n'y faites attention. Ce vieux-là était plein de malignité, mais que le vaste océan où il dort à présent le berce avec douceur, le berce avec tendresse, jusqu'à la fin des temps. Avant le coucher du soleil, un gros grain passa sur les deux canots qui se trouvaient derrière, et je ne devais plus les revoir de longtemps. Le lendemain, je tins la route sur ma coquille de noix, mon premier commandement, sans rien autour de moi que la mer et le ciel. J'aperçus bien dans l'après-midi les voiles hautes d'un navire au loin, mais je me gardai bien d'en rien dire, et mes hommes ne le remarquèrent pas. C'est que, voyez-vous, je craignais qu'il ne fît route pour l'Angleterre, et je n'avais pas envie de tourner le dos aux portes de l'Orient. Je gouvernais sur Java, autre nom béni, comme celui de Bangkok, vous savez. Je gouvernais pendant des jours. Pas besoin de vous dire ce que c'est que de tosser dans une embarcation non pontée. Je me rappelle des nuits et des jours de calme plat, où nous souquions, et où le canot semblait immobile, comme ensorcelé dans le cercle de l'horizon, Je me rappelle la chaleur, le déluge des grains qui nous obligeait à écoper sans arrêt pour sauver notre peau, mais qui remplissait notre baril. Et je me rappelle les 16 heures d'affilée que nous passâmes, la bouche sèche comme de la cendre, tandis qu'avec un aviron de queue, je tenais mon premier commandement debout à la lame. Je n'avais pas su jusque-là à quel point j'étais pour de bon un homme. Je me rappelle les visages tirés, les silhouettes accablées de nos 2 matelots, et je me rappelle ma jeunesse, ce sentiment qui ne reviendra plus. Le sentiment que je ne pouvais durer éternellement, survivre à la mer, au ciel, à tous les hommes. Ce sentiment dont l'attrait décevant nous porte vers des joies, vers des dangers, vers l'amour, vers l'effort illusoire, vers la mort. Conviction triomphante de notre force, ardeur de vie brûlant dans une poignée de poussière, flamme au cœur qui chaque année s'affaiblit, se refroidit, décroît et s'éteint. Et s'éteint trop tôt, avant la vie elle-même. Et c'est encore ainsi que l'Orient m'apparaît. J'ai reconnu ses recoins secrets, et j'ai pénétré jusqu'au fond même de son âme. Mais à présent c'est toujours d'une petite embarcation que je la vois, haute ligne de montagne, bleues et lointaines au matin, pareille à une brume légère à midi, muraille de pourpre dentelée au coucher du soleil. J'ai encore dans la main la sensation de l'aviron, et dans les yeux la vision d'une mer d'un bleu éclatant. Et je vois une baie, une vaste baie, lisse comme du verre, polie comme de la glace, qui miroite dans l'ombre. Une lueur rouge brille au loin dans le noir de la terre. La nuit est molle et chaude. De nos bras endoloris, nous souquons sur les avirons. Et tout à coup, une risée faible et tiède, toute chargée d'étranges parfums de fleurs, de bois aromatiques, s'exhale de la nuit paisible. Premier soupir de l'Orient sur ma face, cela jamais je ne pourrais l'oublier. C'était un souffle impalpable et enchanteur, comme un charme, comme le chuchotement prometteur de mystérieuses délices. Nous avions nagé 11 heures durant cette dernière étape. Nous étions 2 aux avirons, et celui dont c'était le tour de se reposer tenait la barre. Nous avions aperçu le feu rouge de cette baie et nous avions mis le cap dessus, pensant bien qu'il devait marquer quelques petits ports côtiers. Nous avions dépassé 2 navires d'aspect exotique, derrière très haut, endormis à l'ancre, et en approchant du feu, très faible maintenant, le canot vint heurter du nez l'extrémité d'un appontement. Nous étions morts de fatigue. Mes hommes lâchèrent les avirons et s'affalèrent sur les bancs comme des cadavres. Je m'amarrai à un pieu. Un courant ridait l'eau mollement. L'obscurité parfumée du rivage formait de vastes masses, probablement des touffes colossales de végétation, formes muettes et fantastiques. À leurs pieds, le demi-cercle d'une plage étincelait faiblement comme une illusion. Pas une lumière, pas un mouvement, pas un son. Le mystérieux Orient était devant moi, parfumé comme une fleur, silencieux comme la mort, sombre comme un tombeau. Et je restais là, exténué, au-delà de toute expression, exultant comme un conquérant, incapable de dormir et extasié comme devant une profonde, une fatale énigme. Un clapetis d'aviron, plongeant en cadence et qui répercutait par la surface de l'eau et accru encore par le silence, se traduisait en claquement sonore, me fit dresser d'un bond. Une embarcation européenne, arrivait. J'invoquai le nom de la morte, et elle est. « Judée, ohé !» Un faible cri me répondit. C'était le capitaine. J'avais devancé de 3 heures le vaisseau amiral, et je fus heureux de réentendre la voix du vieux tremblante et hélas. « Est-ce vous, Marlowe ? Méfiez-vous du bout de l'appontement, capitaine » criai-je. Il approcha avec précaution et vint accoster avec la ligne de grande sonde que nous avions sauvée. Pour les assureurs, je mollis ma bosse et me laissai culer. Il était assis là, à l'arrière, dans une attitude défaite, tout trempé de rosée, les mains jointes sur les genoux. Ses hommes étaient déjà endormis. « J'ai passé un sacré moment, » murmura-t-il. « Mahon est derrière, pas très loin. » Nous nous entretenions à voix basse, comme si nous avions eu peur de réveiller la terre. Le canon, le tonnerre, un tremblement de terre n'auraient pas à ce moment éveillé les hommes. Tout en parlant, je me retournai et vis un large feu brillant qui glissait dans la nuit. Voilà un vapeur qui passe en vue de la baie, dis-je. Il ne passait pas, il entrait, et même il vint tout près et mouilla. Je voudrais bien, me dit le capitaine, que vous alliez voir si c'est un Anglais. Peut-être qu'il pourrait nous donner passage pour un endroit quelconque. Il avait l'air inquiet et agité. À force de bourrades et de coups de pied, je parvins à mettre un de mes hommes en état de somnambulisme, et lui passant un aviron, j'en pris un autre et nous nageâmes vers le feu du vapeur. Il nous en parvenait un bruit confus de voix, de chocs sourds et métalliques, venant de la chambre des machines, et pas sur le pont. Ses hublots brillaient, ronds comme des yeux écarquillés. Des formes allaient et venaient, et l'on distinguait en haut, sur la passerelle, la forme vague d'un homme. Il entendit le bruit de nos avirons. Alors, avant que j'eusse pu ouvrir la bouche, j'entendus l'Orient me parler, mais avec une voix d'accident. Un torrent de mots se déversa dans le silence énigmatique et fatal, des paroles étrangères, courroucées, mêlées à des mots et même à des phrases entières de bon anglais. Moins étrange, mais plus surprenant encore. La voix jurait et tempêtait avec violence. Elle criblait d'une bordée de jurons la paix solennelle de la haie. Elle commença par m'appeler « Cochon !» et continua crescendo à m'agonir d'une série d'épithètes plus impossibles à redire les unes que les autres, en anglais. L'homme là-haut rageait à tue-tête, en deux langues, et avec dans sa fureur une telle sincérité qu'elle alla presque jusqu'à me convaincre que j'avais de façon ou d'autre attenté à l'harmonie de l'univers. Je le voyais à peine, mais commençait à penser qu'il finirait par avoir une attaque. Il s'arrêta tout d'un coup, et je l'entendis qui reniflait et soufflait comme un phoque. « Quelle est ce vapeur, je vous prie ? » lui criai-je. « Hein, qu'est-ce que c'est ? Et vous, qui êtes-vous donc ? » L'équipage naufragé d'un trois-mâts anglais, incendié en mer. « Nous sommes arrivés cette nuit. Je suis le lieutenant. Le capitaine est dans le grand canot et voudrait savoir si vous nous donneriez passage pour quelque part. » « Ah, bon Dieu, dites-moi, nous sommes le Célestial de Singapour et nous rentrons. J'arrangerai ça avec votre capitaine dans la matinée. Et dites-moi, vous m'avez entendu tout à l'heure ?»« J'imagine qu'on a pu vous entendre dans toute la baie. Je vous ai pris pour un canot d'ici et vous voyez, ce sacré feignant de propre à rien de gardien s'est encore endormi. Que le diable l'emporte. Le feu est éteint. » Et j'ai failli me coller sur ce sacré appontement. C'est la 13e fois qu'il me joue ce tour-là. Je vous le demande, est-ce qu'on peut vraiment tolérer choses pareilles ? Il y a de quoi vous rendre fou. Je le signalerai et le ferai fiche dehors par le vice-résident. Nom de... Voyez, il n'y a pas de feu. Il est éteint, n'est-ce pas ? Je vous prends un témoin qu'il est éteint. Il devrait y avoir un feu, là. Voyez-vous, un feu rouge sur la... « Il y en avait un, » fis-je doucement. « Mais il est éteint, mon garçon, à quoi bon parler comme cela ? Vous voyez bien vous-même qu'il est éteint, hein ? Si vous aviez à conduire un beau vapeur le long de cette côte de malheur, vous en voudriez aussi un hein, de feu. Je lui flanquerai une raclée tout du long de son sacré appontement. Vous verrez un peu si je le manque, je... »« Alors, je peux dire au capitaine que vous allez nous prendre, » interrompis-je. « Oui, je vous prendrai. Bonsoir, » dit-il brusquement. Je virai de bord et je m'amarrai de nouveau à l'appontement. Et puis je m'endormis enfin. J'avais affronté le silence de l'Orient. J'avais entendu un peu de son langage. Mais quand je rouvris les yeux, le silence était aussi absolu que si rien n'était jamais venu le rompre. Je reposais dans un flot de lumière et jamais le ciel ne m'avait auparavant semblé ni si loin ni si haut. J'ouvris les yeux et demeurai étendu sans bouger. C'est alors que je vis les hommes de l'Orient. Ils me regardaient. Toute la longueur de l'appontement s'était remplie de gens. Je vis des visages bruns, bronzés, jaunes, des yeux noirs, l'éclat, la couleur d'une foule orientale. Et tous ces êtres nous regardaient fixement, sans un murmure, sans un soupir, sans un geste. D'en haut, ils regardaient les canots, les hommes assoupis qui, pendant la nuit, étaient venus vers eux de la mer. Rien ne bougeait. Les frondaisons des palmiers se dressaient immobiles contre le ciel. Pas une seule branche ne remuait le long de ce rivage, et les toits bruns des maisons s'apercevaient à travers le feuillage vert, à travers de larges feuilles qui pendaient, luisantes et immobiles, comme si elles eussent été faites de quelque lourd métal. C'était là l'Orient des anciens navigateurs, si vieux, si mystérieux, resplendissant et sombre, vivant et immuable, plein de dangers et de promesses. Et c'étaient là ces hommes. Je me redressai tout à coup. Une ondulation se propagea d'un bout à l'autre de la foule, passa le long des têtes, fit osciller les corps, courut le long de l'appontement comme une ride sur l'eau, comme le souffle du vent sur un champ, puis tout reprit son immobilité. Je revois tout cela. Le vaste cercle de la baie, les sables qui scintillent, la richesse d'une verdure infinie et variée, la mer bleue comme une mer de rêve, la foule des visages attentifs, l'éclat des couleurs crues, l'eau qui réfléchit tout, la courbe du rivage, l'appontement, le navire exotique avec sa poupe élevée qui flotte immobile, et les trois canots avec ces hommes accablés venus d'Occident et qui dorment sans souci de la terre et des hommes, ni de l'ardeur du soleil. Ils dormaient en travers des bancs, tassés en rond sur les planches du fond, dans des attitudes abandonnées comme des morts. La tête du vieux capitaine, appuyée à l'arrière du grand canot, était retombée sur sa poitrine, et on aurait dit qu'il n'allait jamais se réveiller. Plus loin, la figure du vieux Mahon était tournée vers le ciel, sa longue barbe blanche étalée comme s'il avait été frappé d'une balle, tandis qu'il tenait la barre. Et un homme affalé à l'avant du canot dormait, en entourant l'étrave de ses deux bras, et la joue collée contre le plat-bord. L'Orient les contemplait en silence. Depuis lors, j'ai connu sa séduction. J'ai vu des rivages mystérieux, l'eau immobile, les terres de nations brunes, où une némésis furtive et épie poursuit, surprend tant d'hommes de la race conquérante, fiers de leur sagesse, de leur savoir, de leur puissance. Mais pour moi, tout l'Orient tient dans cette vision de ma jeunesse. Il tient tout entier dans cet instant où j'ouvris sur lui mes jeunes yeux. Je l'avais abordé au sortir d'un combat avec la mer, et j'étais jeune. Et je le vis qui me regardait, et voilà tout ce qui en reste. Rien qu'un moment, un moment de force, d'aventure, de splendeur, de jeunesse. Un éclair de soleil sur un rivage étrange, le temps d'un souvenir, l'espace d'un soupir, et puis adieu, la nuit, adieu. Il but. Ah, le bon vieux temps, le bon vieux temps. La jeunesse et la mer, l'enchantement et la mer, la bonne, la rude mer, la mer âcre et salée qui murmurait à votre oreille et rugissait contre vous et vous coupait brutalement le souffle. Il but de nouveau. Entre toutes les merveilles du monde, il y a la mer, je crois, la mer elle-même. Ou bien est-ce seulement la jeunesse? Qui peut le dire? Mais vous autres, vous avez tous eu quelque chose de la vie, de l'argent, de l'amour, tout ce que l'on trouve à terre. Eh bien, dites-moi, n'était-ce pas le meilleur temps, ces temps où nous étions jeunes à la mer, jeunes et sans rien à nous, sur la mer qui ne nous donne rien que de rudes coups, et parfois l'occasion d'éprouver votre force, rien que cela, ce que vous regrettez tous, et tous nous l'approuvions, l'homme de finance, l'homme de chiffres, l'homme de loi, tous nous l'approuvions par-dessus la table polie, qui, comme une immobile nappe d'eau brune, réfléchissait nos visages sillonnés et ridés, nos visages marqués par le travail, par les déceptions, par le succès, par l'amour, et nos yeux là, cherchant encore, cherchant toujours, cherchant avidement à arracher à la vie ce quelque chose qui, alors qu'on l'attend encore, s'est déjà dissipé, a passé à notre insu dans un soupir, dans un éclair, avec la jeunesse, avec la force, avec la séduction romanesque des illusions.